J'étais si jeune, pourquoi t'es parti sans rien dire, sans un adieu, sans une lettre, un souvenir. Pourquoi tu nous as quittés sans jamais revenir? Dis-moi quelle est donc cette chose qui t'a fait t'enfuir. Tu nous as laissés dans la tristesse et l'angoisse. T'as pas pensé que ton départ nous porterait la poisse. J'avais 5 ans, maman pouvait pas m'expliquer que mon père partait sans avoir quelques regrets. J'étais trop petit pour pouvoir essuyer ses larmes. J'étais trop petit au milieu de tout ce vacarme. Alors j'ai grandi sans jamais voir ton visage. Et chaque fois qu'on me parlait de toi, j'avais la rage. T'aurais dû voir comment on a galéré sans toi. Comment maman t'a fait pour combler tous les fins de mois. J'ai dû apprendre à grandir sans un père à moi. Mais entre les tocards qu'elle me ramenait, j'avais toujours le choix. Fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi? Jamais su quel secret tu cachais en toi. Jusqu'à cette lettre que maman m'a fait lire une fois. Au début j'ai pleuré, après je n'y croyais pas. C'est dur d'accepter que son père ait fait tout ça. Tu m'as donné la vie, mais tu l'as prise aussi. Tu étais un héros pour moi, pas un bandit. J'aurais tellement voulu que tu me racontes ton histoire. Mais maintenant tu n'es plus là, il est trop tard, je t'en ai voulu. Mais après tout c'était ta vie, c'était tes choix. Et tu vois je les ai compris. J'ai des regrets, mais c'est de pas t'avoir connu. Et c'est dans mes plus jolis rêves que je t'ai vu. Un jour peut-être on se croisera au paradis. J'espère simplement que c'est là-haut que tu vis. Là-haut que tu vis. Fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi? Fallait que tu comprennes et que tu vois. Pourquoi? Pourquoi fallait que tu saches, fallait que tu vois. Pourquoi fallait que tu comprennes.